que partir c'est mourir un peu. Partir c'est mourir un peu. Mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir c'est mourir un peu. Partir c'est mourir un peu. Mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Chercheur de Dieu, ton cœur était insatisfait. Tout autour de toi, c'était les idoles qu'on adorait. Sacrifier sa vie, celle de ses enfants, aux dieux sanguinaires, en or, en argent, c'était pas l'appel que tu entendais au fond de ton cœur. Aussi un beau jour, tu es parti en aventurier, coupant les racines qui te retenaient à tout passer. Pars de ton pays, je te bénirai, car j'ai fait pour toi un très beau projet, disait cette voix que tu entendais au fond de ton cœur. On dit que partir c'est mourir un peu. Partir c'est mourir un peu. Mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir c'est mourir un peu. Partir c'est mourir un peu. Mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Et tu as cru, toi qui ne pouvais plus avoir d'enfant, quand la voix disait compte les étoiles dans le firmament. Tu auras des fils encore plus nombreux, tu seras le père des chercheurs de Dieu, ceux qui sauront comme toi écouter au fond de leur cœur. Le Dieu vivant, car c'était lui qui te parlait, te donne un enfant, toi qui ne pouvais plus en espérer. Et lorsqu'il te dit donne-moi la vie de ton fils unique, toi tu obéis, tu sais que Dieu seul peut guider ta vie et combler ton cœur. On dit que partir c'est mourir un peu. Partir c'est mourir un peu. Mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir c'est mourir un peu. Partir c'est mourir un peu. Mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver.